Bonsoir petits et grands, vous voici de nouveau dans la machine à son. Eh oui, vous l'attendiez avec impatience hein, ce mercredi soir. Ben, nous aussi avec le professeur, on est quand même assez contents tous les mercredis de vous retrouver, ou presque tous les mercredis. Alors là je vous préviens, ce soir le professeur il est quand même super en forme. Alors quand le professeur est super en forme, en général, c'est que ça va partir en sucette. Mais vous inquiétez pas, je suis là moi pour veiller au grain et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Donc, alors, que je vous raconte un petit peu, parce que là le professeur il m'a raconté tout un truc qui est en fait l'inspiration de son émission de ce soir. Donc, vous allez comprendre, si vous arrivez à comprendre la phrase. Voilà, en gros le professeur, il s'est retrouvé poursuivi par un dentiste. Pourquoi? On ne sait pas. Mais bon, en tout cas, poursuivi par un dentiste. Et il a trouvé refuge auprès d'une congrégation de, je sais pas, environ 400 jeunes. Et il a passé toute la semaine à se planquer au milieu de ces jeunes. Et alors là, bain de jouvence, renouveau, tout ce que vous voulez. Il est revenu, il n'était pas le même. Bon, déjà, le dentiste lui courait plus après. Apparemment, il avait réussi à ranger les histoires avec cet homme. Ou cette femme, on ne sait pas. Et bref, voilà, il était regaillardi, rajeuni, tout ce que vous voulez. Bon, ben voilà, hein, on ne peut que remercier cette congrégation de jeunes, hein, parce qu'ils ont sauvé un peu la soirée quand même, parce que sinon, s'il n'y avait eu que l'histoire du dentiste, à mon avis, c'était mal parti pour la soirée. Donc il m'a dit, ben voilà, alors il m'a amené tout un tas de trucs, mais alors vous allez voir les trucs les plus chelous les uns que les autres, mais vous savez bien comment c'est dans la machine à son. On arrive à transformer le plomb en or et les trucs chelous en trucs super dansants, bien sûr. Et oui, parce que ce soir, un peu la thématique générale, c'est danser le bunker. Alors, bunker, c'est une nouvelle danse inventée par le professeur parce qu'en fait, il a aussi comme idée de fabriquer un bunker pour mettre tous ses disques dedans. J'ai pas bien compris pourquoi, mais bon. Bref, c'est peut-être qu'on les retrouve dans très longtemps, mais bon, bah voilà, enfin, c'est une histoire de professeur. Hein, c'est un peu toujours au perché. Et ça va être un petit peu le cas ce soir. Donc moi, je vais essayer quand même de vous ramener sur Terre de temps en temps. Bah oui, parce que sinon, on est quand même responsable de vous, de votre mental. Donc il faut bien quand même qu'on vous ramène dans le même état, quel que soit l'état, que celui dans lequel on vous a trouvé. C'est un petit peu comme les chiottes. Allez, tous aux abris. C'est parti. Thank you.

qui est celui qui a tout créé et qui est tout puissant, il ne pourrait pas se permettre une maladie des plus misérables des hommes. Maintenant, au point de vue dimension, vraiment, si on avait un maître de Dieu, c'est le maximum qu'on peut lui accorder. Croyez vraiment que j'ai vendu mon âme aux Rolling Stones? This was for real. And I sold my soul to the Rolling Stones. Said just sign on the dotted line. Fame and fortune would soon be mine. Said now, man, I'll fix you up. You'll get what's yours now soon enough. I knew this deal would seal the fate. There's no hope, it's way too late. I sold my soul. Have my fun. And I sold my soul to the Rolling Stones. I sold my soul to the Rolling Stones. I sold my soul to the Rolling Stones. I made a deal with Brian Jones. I sold my soul to the Rolling Stones. I made a deal with Brian Jones. And I sold my soul to

l'invention des faibles et des créatifs. La monnette connaît le charme d'adoucir l'infortune. Le plaisir fort pour les âmes fortes. Acceptez-vous, oui ou non? Je ne trahirai pas la vertu. Alors sortez! Je ne suis descendu dans le caveau que pour cela. Thérèse commence. Votre chère là, encore des roses contre la délice. Suzanne, qu'en dis-tu? Ah, toi et tes callosités. Oui, Thérèse. Ah. Allô? À toi, Susan. Hein? Regarde-moi ce téton mortifié. Oh, quelle mamelle, hein? Leos Pais. أول مرة ما منكم سوا. يديك كان قلبي لعنديك دليلي واللي اكتوى بالشوق دوا ده أول مرة ما منكن سوا سألوا الناس عنك يا حبيبي كدب المكاتيب وأخذ الهوى في عز علي كتب واخد الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة ما منكن سوا dans la machine à son et vous êtes bien dans la machine à son. Yeah. passe, presque j'ai la même attitude de celle que je viens de manifester à propos du cinéma, car j'ai toujours dit et répété qu'il n'y a rien à gratter à la Lune, absolument rien à gratter dans la Lune. Mais ce qui est certain, c'est que tous les gens qui continuent à mourir et à crever, c'est à cause et uniquement la faute de M. Jules Verne. Ça, c'est certain. Parce qu'il a embarqué l'humanité dans tous ses enfantillages de conquérir l'espace. Ça coûte très cher, en plus. Et si tout cet argent, au lieu d'aller à la Lune, on l'utilisait pour des phénomènes grandioses que jamais Jules Verne a même envisagé, comme l'hivernation pour prolonger la vie. C'est-à-dire, au lieu de conquérir l'espace, on mettait tous les microscopes électroniques à regarder les structures moléculaires de l'acide désoxyribonucléique. Il se peut que déjà aucun de nous serait capable de mourir. Maintenant, tout le monde continue à mourir comme des vrais crétins. À cause de Jules Verne. Chaque fois qu'un homme meurt, c'est la faute exclusive de Jules Verne, que c'est le plus grand représentatif de ce que j'appelle les crétins mous. Parce qu'il y a encore les crétins durs, mais c'est un crétin mou 100%. Maintenant, évidemment, une chose me ravit dans la conquête de l'espace, c'est que grâce à cette fameuse conquête de l'espace, on est obligé, les astronautes seront obligés de boire leur propre pipi, parce qu'ils font une espèce de transformation dans laquelle le cercle vicieux, plus ou moins vicieux, puisque quand même si on voit son propre pipi, et d'ailleurs ils vont manger leur propre excrément, alors il faut faire bien attention pour la question des incestes, qu'il n'y ait pas d'inceste, il faut que ce soit des pipis, enfin, ça on arrangera. Mais en tout cas, ce qui est merveilleux, que dans cette sublime, soi-disant, conquête sidérale, les êtres humains sont forcés de voir leur pipi et de manger leur propre merde. Des élucubrations du professeur, que nenni, vous êtes encore dans le déni. Thank you. C'est malheureusement l'heure de nous quitter. Et je vous avais promis de vous ramener comme je vous avais trouvé. Donc voilà, petite redescente avec les fantastiques Héraclites. Aujourd'hui disparus comme beaucoup, mais on s'en fout. Donc ce soir, dans cette émission Danser le Bunker, j'espère que vous avez pu danser. Vous avez écouté donc la Héraclite, alors dans tout le mélange, hein, dans tout le bordel, parce que bon, là j'ai foutu un boxon pas possible avec le professeur, mais nous avons retrouvé notre jeunesse, c'est ça qui compte. Donc vous avez écouté les Go-Go Heads, direct du Mexique, fantastique, les Go-Go Heads, G-O-G-O-E-T-E-S, cherchez, vous trouverez. Keiji Anno, assez fantastique aussi. C'était juste avant ce petit morceau d'Héraclite, les Statics, Robbie Sender avec son fabuleux choc, 54 minutes, mais alors un truc de fou. Monsieur Dali qui est venu nous rendre visite, Xedakis, Férouz, la fabuleuse Férouz, Gregorio Paniagua, François Bail, Aiki Collective, une petite musique du film Roland de Roncevaux, je sais plus quoi, les Statics, Pierre-Henri, Marc Favre. Quelques musiques de films aussi, quelques extraits, pardon, de. Hop là, il est temps que je finisse. Et au tout début, psychédélique, Jefferson Jet Plane. Allez, on va faire un truc pourri pour finir. À la semaine prochaine.